Je travaille pour une petite usine de bicyclettes. Je m'occupe de la publicité. Nos chiffres de vente sont en baisse. En 1967, nous avons vendu 6 000 bicyclettes. L'année dernière, nous en avons vendu seulement 4 000. En ce moment, nos ventes sont en hausse. Au cours des derniers mois, nous avons vendu près de 450 bicyclettes par mois. Je ne dis pas que les résultats sont bons, ils sont simplement meilleurs. Mais nous voulons essayer de faire mieux. Nous essayons en particulier d'améliorer notre publicité. Un jour, un ami m'a parlé de l'agence Martin et Dacier. Il m'en a parlé avec beaucoup d'enthousiasme. Alors, j'ai donné rendez-vous à M. Martin ce matin pour lui demander de lancer une campagne de publicité pour notre marque. Ce soir, je vais donc dîner chez lui. Il est agréable de parler affaires assis à une bonne table. On peut bavarder plus facilement qu'au restaurant. On boit, on mange, on discute. L'atmosphère est détendue.